Chapitre 8 L'histoire de l'écolier sourd. Je ne sais comment vous avez fait tous, ni ce que vous avez raconté. Je pensais pendant ce temps-là à ce que je pourrais vous dire à mon tour d'intéressant. Mais je ne sais rien de bien particulier qui me soit arrivé, si ce n'est pourtant tout ce qui concerne Charley Felkin et comment il m'invita à aller chez lui. Je vous dirai cette histoire, si vous voulez. Charley, vous le savez, est d'une année plus jeune que moi. J'étais depuis 12 mois chez le docteur Owen quand il y arriva. Il devait être dans ma salle d'études et dans mon dortoir. Il ne savait rien des usages des écoles, ce qui le mit d'abord fort mal à son aise, comme la plupart des nouveaux. Ce fut moi qui fus chargé de le mettre au courant, et nous eûmes beaucoup de rapports ensemble. Bientôt sa tristesse se dissipa. Il prit son parti comme les autres, nous devînmes grands amis. Il prit goût à nos jeux et il cessa d'être mélancolique. Nous avions de longues causeries les jours de pluie et pendant les grandes promenades de l'été, mais nos meilleures conversations avaient toujours lieu quand nous étions couchés. Je n'étais pas sourd alors. Oh, comme nous aimions à parler de la maison paternelle, à raconter des histoires de revenants, et toutes sortes d'autres histoires. Personne, que je sache, ne nous entendit jamais, sauf une seule fois. Encore en fûmes-nous quittes pour un terrible roulement sur la porte et l'ordre du docteur de nous endormir à l'instant. Les choses allèrent ainsi assez longtemps, jusqu'à l'époque où je commençais à avoir mon mal d'oreille. D'abord, Charley fut très bon pour moi. Je me rappelle qu'un jour, il me dit de m'appuyer sur son épaule et me tint la tête chaudement jusqu'à ce que la douleur fût passée. Pendant tout ce temps-là, il ne bougea pas. Peut-être finit-il par se fatiguer de toutes ces complaisances. Peut-être bien aussi ce fut moi qui eus tort. Mais je sentais mon caractère s'altérer. Je redoublais mes efforts pour me contenir. Mais quelquefois la douleur était si vive et durait si longtemps que j'aurais voulu être mort. Je crois bien qu'alors je devais être d'une fâcheuse humeur ou taciturne, ce que les écoliers aiment encore moins. Charley ne semblait pas croire que j'eusse aucun motif d'être ainsi. J'avais pris l'habitude de grimper sur le pommier, de là sur le mur, où je faisais semblant de dormir pour me débarrasser des autres. Mais eux, ils accouraient tout exprès de ce côté et disaient « Voilà encore le boudeur assis sur son mur comme un petit dumpty. » Un jour que j'entendais Charley en dire autant, je lui criai d'un ton de reproche ces deux mots « Oh, Charley !» Et il me répondit « Pourquoi grimpez-vous toujours là pour bouder ?» Il prétendait aussi que je faisais beaucoup d'embarras pour rien. Je sais qu'il ne le croyait pas réellement, mais il s'impatientait de me voir comme cela. Je le sais parce qu'il était toujours si bon pour moi, si joyeux quand mon mal semblait s'apaiser et que je revenais jouer avec les autres. Alors, j'étais content aussi et je croyais que j'avais eu tort de penser ce que j'avais pensé. Nous n'avions donc jamais d'explication. Cela nous aurait pourtant épargné bien des choses arrivées plus tard. Plût à Dieu que nous nous fussions franchement expliqués tous les deux. Charley, à son arrivée chez le docteur Owen, était fort en arrière de moi, car il avait une année de moins et c'était sa première pension. Je croyais alors pouvoir me maintenir en tête de toute la classe, à l'exception de 3 élèves, et je faisais de grands efforts pour cela. Mais au bout d'un certain temps, je commençais à descendre. J'apprenais aussi bien mes leçons qu'auparavant, mais les autres écoliers étaient plus prompts dans leurs réponses. Il y en eut bientôt 6 qui s'emparèrent de ma place habituelle avant que je susse comment cela se faisait. Le docteur Owen, m'apercevant un jour au dernier rang de la classe, dit qu'il ne m'avait jamais vu là. Le sous-maître ajouta que j'étais stupide, mais le docteur préféra attribuer la chose à ma paresse. Les autres élèves en diront tant, et me donnèrent des sobriquets. Je commençais moi-même à croire comme eux, et j'en ressentis bien de la peine. Charlet entra dans notre classe avant que j'eusse été moi-même jugé capable d'entrer dans une autre, et le fait est que je n'en sortis jamais. Je crois que son père et sa mère m'avaient d'abord cité à lui comme un exemple, car il avait dû lui-même bien parler de moi quand il m'aimait. À la fin, il parut s'appliquer à me repasser dans la classe. Je fis tout mon possible pour l'en empêcher. Il s'en aperçut et redoubla d'application. Je ne pouvais guère l'aimer alors. J'avoue même que j'étais de très mauvaise humeur et cela l'exaspérait à son tour. J'avais beau me fatiguer jusqu'à tomber malade pour bien apprendre mes leçons et bien répondre aux questions du maître, Charlet l'emportait sur moi et abusait de son triomphe. Je ne voulais pas me battre avec lui parce qu'il n'était pas aussi fort que moi. Et d'ailleurs, je devais convenir qu'il savait mieux ses leçons. Nous allions nous coucher sans nous dire un mot. C'en était fait depuis longtemps des histoires que nous nous racontions la nuit. Un matin, Charlet me dit en se levant que j'étais l'être le plus morose qu'il ait jamais vu. Je craignais bien depuis quelque temps de devenir morose, mais je ne voyais aucune raison pour qu'il me le dise justement ce matin-là. Il y en avait une pourtant, comme je le sus plus tard. Je lui dis tout ce que je pensais, c'est-à-dire qu'il était devenu très malveillant pour moi et que s'il ne se conduisait pas comme autrefois, je ne supporterais plus son injustice. Il me répondit que lorsqu'il essayait de le faire, je le boudais. Je ne savais pas alors la raison qu'il avait pour le dire, ni ce que signifiait tout cela. La vérité est qu'éprouvant la veille au soir du remords de sa conduite envers moi, en une circonstance, il m'avait parlé à l'oreille pour me demander pardon. Mais il faisait noir, il parlait bas, je n'avais rien vu, ni rien entendu. Il m'avait prié de me retourner et de lui parler, mais naturellement je n'avais pas bougé, et il avait dû croire que je lui gardais rancune. Tout cela est très fâcheux. Je passe à l'autre chose. Mistress Owen était un jour dans le verger et venait à regarder par-dessus la haie, et elle me vit coucher la face contre terre. J'avais pris l'habitude de me coucher ainsi, car j'étais stupide à tous les jeux où l'on devait s'appeler, et les autres élèves se moquaient de moi. Mrs. Owen avertit le docteur. Le docteur dit que je n'étais certainement pas dans mon état normal, et que pour sa satisfaction personnelle, il consulterait M. Pratt. M. Pratt vint en effet me voir et trouva que j'étais sourd, sans pouvoir dire ce que j'avais aux oreilles. Il conseillait une application de ventouse, et je ne sais quoi encore. Mais le docteur fit observer que, vu la proximité des vacances, il valait mieux attendre mon retour chez mes parents. J'y gagnais, toutefois, de n'avoir plus à disputer les places. Le docteur dit à tous les écoliers qu'on voyait bien maintenant pourquoi j'avais semblé tant reculer. Non seulement il s'en faisait un reproche à lui-même, disait-il, mais il s'étonnait que personne n'eût découvert plus tôt la véritable raison. Le premier de la classe était toujours le plus rapproché du sous-maître ou du docteur quand il faisait réciter lui-même les leçons. Cette place me fut assignée d'une manière permanente. Je n'eus plus à la disputer contre personne. Après cela, tous les élèves, et Charlet en particulier, se montrèrent de nouveau bons pour moi. Et j'ose dire que, si j'avais eu un meilleur caractère, tout serait bien allé. Mais je ne sais pourquoi, tout semblait aller de travers partout où j'étais et je désirais toujours être ailleurs. Il me tardait maintenant de voir arriver les vacances. Tous les écoliers, sans doute, les désiraient comme moi, mais moi plus que tous les autres, parce que tout à la maison me semblait si gai, si distinct, si brillant dans mon souvenir au moins, comparativement à l'école pendant ce dernier semestre. On eût dit que tout le monde avait appris à parler bas. La plupart des oiseaux semblaient s'être exilés, ce qui me faisait d'autant plus désirer de voir mes tourterelles, dont Peggy m'avait promis de prendre soin. La cloche même de l'église paraissait assourdie, et quand l'orgue jouait, il y avait dans la musique de grandes lacunes qui me faisaient penser qu'il vaudrait mieux ne pas entendre de musique du tout. Mais ces souvenirs-là sont trop désagréables. J'en reviens à Charley. Son père et sa mère m'invitèrent à venir passer la première semaine des vacances avec lui. Mon père me dit d'y aller. J'obéis, et jamais de ma vie je ne fus si mal à mon aise. Je n'entendais pas ce qu'ils se disaient les uns aux autres, à moins d'être tout à fait au milieu d'eux, et je ne pouvais manquer d'avoir l'air stupide quand ils riaient aux éclats, et que je ne savais même pas ce dont il s'agissait. J'étais sûr que les sœurs de Charley se moquaient de moi, Catherine en particulier. Il me semblait toujours que tout le monde me regardait, et je sais qu'on parlait quelquefois de moi. Je le sais par quelque chose que j'entendis dire à Mistress Felkin un jour qu'il y avait du bruit dans la rue et qu'elle parlait très haut sans le savoir. « Oh, on ne nous a jamais prévenus, disait-elle, que ce pauvre enfant était sourd. » Je ne sais pourquoi, mais cela me parut insupportable. Et à dater de ce moment, plusieurs personnes prirent l'habitude de me dire les moindres choses d'un ton si criard que tout le monde se retournait pour me regarder. Parfois aussi je me trompais sur ce qu'on me disait. Et une de mes bévues fut si ridicule que je vis Catherine se tourner pour rire et elle ne cessa plus de rire pendant bien longtemps. C'était plus que je n'en pouvais supporter. Je m'enfuis. Il y avait sans doute folie à moi d'agir ainsi. Je sais que j'avais fini par avoir un très mauvais caractère. Je sais que M. et Mrs. Belkin durent trouver qu'ils s'étaient bien trompés à mon égard et dans leur choix d'un camarade pour Charley, mais que me servait-il de rester plus longtemps pour être l'objet de la commisération ou du ridicule, sans faire de bien à personne? Je m'enfuis donc au bout de 3 jours. J'aspirais au moment d'être de retour à la maison, car là, je n'en doutais pas, je trouverai tous les conforts réunis. Je savais où passait la diligence à 1,5 milles de l'habitation de M. Felkin de très grand matin. Je sortis donc par la croisée du cabinet d'études et je me mis à courir. J'avais tort d'être si effrayé car personne n'était encore levé dans la maison. Je fus seulement forcé de demander au jardinier la clé de la porte de derrière qu'il me jeta par la croisée de sa loge. Une fois dehors, je lui criai de recommander à Charley de m'envoyer mes effets chez mon père. Au bord de la route, il y avait un étang au pied d'une grande haie que couvraient des arbres très sombres. Il me vint subitement l'idée de m'y noyer, de n'être plus un embarras pour personne, et d'en finir avec mes peines. Ah, quand j'aperçus le clocher de notre église, je n'en fus pas moins heureux, et quand je vis la porte de notre maison, je crus à la durée de ce bonheur. Mon espoir s'évanouit bientôt. Je n'entendais pas ce que murmurait ma mère quand elle m'embrassait. Toutes les voix étaient confuses et tout me semblait devenu plus silencieux et plus triste. J'aurais dû savoir cela d'avance, mais je ne m'y attendais pas. J'avais été très vexé d'être appelé sourd par les Felkins, et maintenant je me sentais blessé de la manière dont mes frères et mes sœurs me trouvaient en faute parce que je n'entendais pas toujours. Il n'y a pire sourd que celui qui veut pas entendre, me dit un jour Ned. Et ma mère répétait sans cesse que c'était pure faute d'attention, que si je n'avais pas l'esprit distrait, j'entendrais aussi bien que personne. Je ne crois pas que je fusse jamais distrait. Je désirais tellement t'entendre, je faisais tant d'efforts pour cela, que souvent les larmes m'en venaient aux yeux. Alors je courais m'enfermer dans ma chambre pour pleurer tout à mon aise. Sûrement j'étais à moitié fou alors, à en juger, parce que je fis à mes tourterelles dans un moment de fureur. Peggy en avait pris grand soin pendant mon absence. Elles me reconnurent tout de suite et vinrent, selon leur ancienne habitude, perchées sur ma tête et mes épaules, comme si je n'avais jamais quitté la maison. Mais leur roucoulement, quand elles n'étaient pas sur moi, ne ressemblait plus du tout à ce qu'ils avaient été. Pour les entendre, j'étais forcé de mettre ma tête contre leur cage. J'entendais cependant bien d'autres oiseaux. Je m'imaginais que c'était la faute des tourterelles et qu'elles ne voulaient plus roucouler pour moi. Un jour, j'en pris une hors de la cage. Je la caressais d'abord et j'employais tous les moyens de douceur. À la fin, je pressais un peu son cou dans mon impatience, puis saisi d'un accès de frénésie parce qu'elle s'obstinait à ne pas roucouler, je la tuai. Oui, je lui tordis le cou. Vous vous rappelez tous cette triste histoire-là, comme je fus puni sévèrement et justement, et ce qui s'ensuivit. Mais personne ne sut combien je me sentais misérable. Je me faisais horreur à moi-même pour ma cruauté. Je n'en dirai pas davantage, et si j'ai fait mention de ce malheur, c'est pour expliquer ses conséquences. La première chose qui en résulta fut que toute la famille eut plus ou moins peur de moi. Les servantes s'enfuyaient à ma vue et ne me laissaient jamais jouer avec la plus jeune enfant, comme si j'allais l'étrangler. J'affectais de redouter aucun châtiment et je me conduisais, je le sais, d'une manière horrible. Une chose très désagréable dont je m'aperçus, c'est que mon père et ma mère ne savaient pas tout. Jusqu'alors, j'avais toujours cru le contraire, mais maintenant, ils me comprenaient. Et me conduisant comme je le faisais, cela n'avait rien d'étonnant. Souvent, ils me conseillaient de faire des choses impossibles, de demander par exemple ce que tout le monde disait. Mais nous passions tous les dimanches près de la tombe de la vieille Miss Chapman. Je me rappelais bien ce qui avait lieu lorsqu'on la voyait de son vivant approcher de la porte. « Miséricorde !» criait-on de tous côtés. « Voilà encore Miss Chapman, qu'allons-nous faire ? Elle va rester jusqu'au dîner et nous serons enroués pour une semaine. Ne faut-il pas lui dire tout ce qu'elle demande ? Jamais elle n'est contente. Quel fléau !» Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle entrât. Tout cela parce qu'elle voulait savoir ce que chacun disait. Je ne pouvais supporter l'idée d'être comme elle, mais je ne pouvais comprendre non plus pourquoi on se plaignait tant d'elle. Moi tout le premier. C'était par une sorte d'instinct que je ne faisais pas alors ce que mon père et ma mère me disaient de faire, et je suis sûr qu'ils n'y comprenaient rien. Maintenant, je vois bien pourquoi, et eux aussi. Un sourd ne peut savoir ce qui mérite d'être répété et ce qui ne le mérite pas. S'il ne demande rien, quelqu'un prend toujours la peine de lui dire ce qui vaut la peine d'être dit. Mais s'il fait sans cesse d'ennuyeuses questions, on est bientôt aussi las de lui que nous l'étions de la pauvre Miss Chapman. Forcé de me suffire à moi-même, j'employais d'ordinaire une grande partie de la journée à lire dans un coin. Je faisais tout seul de grandes promenades sur la bruyère, tandis que les autres se promenaient ensemble dans les prairies ou sur les chemins. Mon père m'ordonnait souvent de faire comme les autres. Et alors je changeais le lieu de mes excursions, mais je ne m'en isolais pas moins. Il y avait, sur la bruyère, un étang si semblable à celui dont j'ai parlé, que les mêmes idées m'étaient revenues. Je m'asseyais des heures entières sur les bords de cet étang, et j'y jetais des cailloux. Alors, je commençais à m'imaginer que je serais plus heureux après mon retour chez le docteur Owen. C'était une idée très sotte, puisque la maison même avait réellement désappointé mes espérances. Mais tout le monde, je pense, espère toujours une chose ou une autre, et je ne voyais rien, moi, à espérer. Mais me voilà encore dans les tristesses, oubliant de parler de Charley. Un jour, à l'heure où les grandes personnes songeaient elles-mêmes à aller se coucher, je descendis avec mes habits de nuit, marchant dans mon sommeil, les yeux grands ouverts. Les dalles de pierre de la salle, si froides pour mes pieds nus, me réveillèrent, mais alors même, je ne pouvais être complètement éveillé, car j'entrais dans la cuisine au lieu de retourner dans mon lit, et je me rappelle fort peu ce qui se passa cette nuit. On dit que pendant tout le temps j'écarquillais les yeux devant les chandelles. Je me rappelle cependant que le docteur Robinson était là. Je me réveillais souvent en sursaut et je rêvais toujours. Je rêvais de toutes sortes de musiques, du vent qui soufflait, de gens qui parlaient, de toutes les peines que j'éprouvais à ne pouvoir entendre personne. Beaucoup de mes rêves finissaient par une querelle avec Charley, que je renversais à terre d'un coup de poing. Ma mère ne savait rien de cela. Elle fut aussi effrayée de mon somnambulisme que si j'étais devenu fou. Le docteur Robinson conseilla de me renvoyer en pension pour un semestre et de voir comment j'irais après l'essai de quelques remèdes pour mes oreilles. Charley arriva chez le docteur Owen 2 heures après moi. Il ne parut pas souhaiter de me serrer les mains et s'écarta à l'instant. Voyant bien qu'il n'avait plus l'intention d'être ami, je supposais qu'il regardait ma faute comme un affront pour la maison de son père, mais je ne sus ni alors ni quelque temps après toutes les raisons qu'il avait de m'en vouloir. Quand plus tard nous redevâmes camarades, j'appris que Catherine avait vu combien ses rires m'avaient offensé et que, fort affligée de m'avoir fait de la peine, elle était montée plusieurs fois pour frapper à la porte de ma chambre et pour me prier de lui pardonner ou du moins de lui parler. Elle avait frappé si fort que j'avais dû certainement l'entendre, disait-elle, mais je ne l'avais pas entendu du tout. Le second grief était ma fuite. Naturellement, Charley ne pouvait me la pardonner. Je n'avais pas maintenant de plus grand ennemi que lui. En classe, il me battait, cela va sans dire. Tout le monde pouvait en faire autant, mais il me restait une chance dans les choses qui ne se faisaient pas en classe et où l'oreille n'était pour rien, dans la composition latine, par exemple, pour un prix que Charley tenait beaucoup à gagner. Et il comptait bien l'avoir, quoique plus jeune, parce qu'il était bien avant moi dans la classe. J'obtins pourtant le prix. Alors, quelques-uns des élèves crièrent à l'injustice. Ils attribuaient mon succès à la faveur, et en apparence, ils avaient raison, car j'étais devenu stupide. Ils disaient cela, et Charley le disait aussi. Charley me provoquait de toutes les manières, plutôt à cause de l'injure faite à Catherine que pour la sienne propre, comme il me le dit plus tard. Un jour, il m'insulta tellement dans la cour de récréation que je le renversai à terre d'un coup de poing. Je n'avais plus de raison pour ne pas le faire, car il avait beaucoup grandi, il était aussi fort que je l'avais été, tandis que j'étais bien loin de l'être moi-même autant qu'avant cette époque, et que je suis redevenu depuis. Dès qu'il se fut relevé, il s'élança sur moi dans la plus grande rage qu'on puisse voir. J'étais comme lui, et nous nous fîmes du mal tous les deux, je vous assure, au point que Mistress Ofwen vint nous voir dans nos chambres, car on nous avait donné des chambres séparées durant ce semestre. Nous n'avions pas besoin de rien dire à Mistress Owen, et nous n'aurions pas voulu avoir l'air de chercher à la mettre dans nos intérêts, mais elle s'aperçut bien, de manière et d'autre, que je me sentais très isolé et que j'étais bien malheureux. Ce fut grâce à elle, j'en suis certain, que le cher et prudent docteur me manifesta tant d'amitié quand je retournais dans la classe, sans cesser d'être bienveillant pour Charley. Il me demanda même, une après-midi, de faire une promenade avec lui dans son cabriolet, me donnant pour prétexte que ses affaires le conduisaient près de l'endroit où ils avaient été en classe ensemble, lui et mon père. Mais c'était plutôt, je le crois, pour avoir une longue conversation avec moi sans être dérangé. Nous parlâmes beaucoup de certains héros de l'Antiquité et ensuite de plusieurs martyrs. Il dit, et rien assurément n'est plus vrai, qu'il est avantageux pour l'homme de voir clairement, du commencement à la fin, en quoi doit consister son héroïsme, afin qu'il puisse s'armer de courage et de patience, se garantir des surprises, etc., etc. Je commençais à penser à moi-même, sans toutefois supposer qu'il y pensât aussi. Mais cela vint par degrés. À son avis, disait-il, la surdité et la cécité étaient peut-être de tous les fardeaux les plus lourds à porter. Il les appelait des calamités. Je ne puis vous rapporter tout ce qu'il me dit. Son intention n'était pas non plus que cela allât plus loin que nous, mais il me dit les plus tristes choses et il me les dit à dessein. Il ne me déguisa pas que mon mal était sans remède. Il énuméra toutes les privations que me causerait mon infirmité. Mais rien de tout cela, ajouta-t-il, ne pouvait m'empêcher d'être un héros, et sous ce rapport, j'avais devant moi une large et belle carrière, non pour la renommée qui s'y attache, mais pour la chose en elle-même. Je m'étonnais de n'avoir pas plus tôt pensé à tout cela, mais je ne crois pas que je l'oublierai jamais. À notre retour, je vis Charley rôdant autour de la porte et nous attendant, cela était clair. Il me demanda si je voulais être encore son ami. Je n'avais plus certainement la moindre rancune. Comme on ne devait souper que dans une heure, nous allâmes nous asseoir sur le mur sous le grand portail et nous reparlâmes de tout ce qui s'était passé. J'entendais tout, bien qu'il ne criât pas. Il nous fut aisé de reconnaître que nous étions bien trompés tous les deux, et qu'en réalité, nous ne nous étions jamais haïs. Depuis lors, je l'aime plus que je ne l'avais aimé, et ce n'est pas peu dire. Il ne triomphe plus de moi, et tous les jours, il me dit 50 choses auxquelles il ne pensait jamais. Par exemple, que j'avais l'habitude, l'air de ne pas vouloir, qu'on me parlât. Mais je me suis merveilleusement défait de cet air-là. Je sais que bien des fois, il a renoncé à la satisfaction de son amour-propre et à son plaisir pour me prêter son aide et rester près de moi. Il n'aura plus cette peine en classe, car je ne retournerai pas chez le docteur Owen. Mais je sais comment cela ira cette fois dans la maison de Charley. Je le sais parce qu'il m'a dit que Catherine ne rirait plus jamais de moi. Du reste, elle pourrait le faire sans inconvénient. Je crois du moins que je saurai supporter désormais les rires de tout le monde. Mon père et ma mère savent, vous savez tous, que tout est bien changé et que nous ne nous recueillerons plus jamais, Charley et moi. Je ne m'enfuirai plus de sa maison, ni d'aucune autre maison. Oh, il vaut mieux regarder les choses en face, comme vous faites tous un signe de tête affirmatif. comme vous êtes tous d'accord avec moi. Chapitre 9. Histoire de l'invité. Je fus placé il y a 20 ans comme clerc pour faire mon noviciat de la profession légale dans le petit port de mer de Muddleborough, habité en partie par des agriculteurs, en partie par des pêcheurs. Cette petite ville a conservé quelques restes d'une contrebande autrefois lucrative et certaines réminiscences des courses heureuses de ces corsaires, auxquels la principale rue et plusieurs auberges doivent leur fondation. Le recteur, le banquier, le procureur, mon patron, qui tenait enfermé dans des boîtes de fer blanc les affaires litigieuses de la moitié du comté, et à qui une salle à manger poudreuse servait d'étude. Le docteur et le propriétaire des deux briques et du schooner dont se composait la marine marchande du port étaient sans conteste les sommités de l'endroit. Du banquier ou de mon maître, le procureur, lequel était le plus haut personnage entre tous, grande question restait obscure. Le banquier Isaac Scrobby passait pour immensément riche. Les banques provinciales par action n'existaient pas encore, et il n'était pas un fermier ou un pêcheur qui ne préféra les bons déchirés et crasseux de Scrobby aux billets les plus neufs de la Banque d'Angleterre. Son papier garnissait donc les petits sacs de toile à voile des pêcheurs, et les vieilles femmes le thésaurisaient dans leurs bas de laine, comme on le vit bien lorsque, forcé de suspendre ses paiements dans la première crise après le bill de Peel, il donna à ses créanciers 3 shillings pour livre. Mais d'un autre côté, le procureur Crosleith, mon patron, outre qu'il pouvait faire prêter de l'argent à tout le monde, connaissait tous les secrets du comté et avait la main en toutes choses, sauf pourtant les naissances, spécialité qu'il laissait au docteur. 3 ou 4 clercs, sans me compter, faisaient cas à un cas à la besogne de l'étude. Le vieux Crosleith portait généralement un habit vert garni de boutons d'or à coquilles, des culottes courtes et des bottes à retroussis. Rarement il s'asseyait ou prenait une plume, si ce n'est pour écrire une lettre à un client du premier ordre. Mais il tenait audience les jours de marché, et dans les saisons des chasses, il instrumentait aussi en plein air dans les rendez-vous des chasseurs. La forte prime payée pour mon apprentissage me donnait naturellement le droit de ne rien faire. Un effort fut bien tenté, quand j'étais tout à fait novice, par le vieux Foumard, le clerc plus spécialement chargé de la procédure, pour me décider à porter des assignations, mais, cette tentative ayant échoué, on me laissa prendre soin d'une des deux chambres de la maison déserte où nous avions notre office et causer avec les clients, tandis qu'ils attendaient leur tour. La monotonie et la respectabilité étaient les traits caractéristiques de notre ville. Nous avions peu de pauvres, ou du moins, nous n'en entendions guère parler. Les mêmes gens se livraient aux mêmes occupations et se permettaient les mêmes amusements, plus ou moins graves, tout le long de l'année. Le commencement de la saison des pêches et la foire annuelle étaient de nos seuls événements, et personne ne faisait fortune, et nul ne perdait celle qu'il pouvait avoir. La contrebande, sous l'empire des nouveaux règlements, était devenue trop hasardeuse et trop peu lucrative pour que des gens respectables voulussent s'y aventurer. On racontait pourtant de singulières histoires au sujet des risques courus en ce genre par les pères de la génération actuelle. Chaque année, les jeunes hommes les plus remuants et les plus ambitieux de toutes les classes partaient comme un essaim pour des régions où l'industrie était plus active. En un mot, notre ville était bien la plus tranquille, la plus somnolente région imaginable de gens routiniers, économes, ennemis de toute spéculation. Leurs plus grands efforts collectifs aboutissaient à peine à entretenir la fontaine publique et la toiture de l'hôtel de ville. Mais jamais on ne put les décider à faire les fonds nécessaires pour construire une jetée, bien qu'on en sentît l'impérieux besoin, ni à faire remise des droits d'octroi à un bateau à vapeur d'invention récente qui passait devant notre port pour le décider à s'y arrêter et à entrer en concurrence avec les lents caboteurs dont dépendent nos communications avec la ville voisine. Dans ce recoin des domaines du sommeil, arriva un jour par terre ou par mer, dans un bateau de pêcheur ou sur ses jambes nerveuses, on n'en sut jamais rien, un homme grand, maigre, pâle, bronzé, semblant être un ancien soldat, âgé de 40 à 50 ans, n'ayant qu'une seule main, et pour remplacer l'autre un crochet de fer vissé dans un bloc de bois. Pauvrement, salement vêtu du reste, et dont l'accoutrement ne ressemblait pas mal à celui d'un garde-chasse. Une compagnie composée du recteur, du docteur et de mon patron, maître Clothleth, partait précisément pour aller chasser dans une réserve abondante de coques de bruyère et déplorait amèrement l'absence du vieux Phil Schneer, le meilleur batteur du comté, quand le manchot offrit ses services d'une manière si convenable, si polie, si respectueuse, qu'ils furent acceptés malgré leur léger assaisonnement d'accent irlandais, mauvaise recommandation dans notre comté, où les fils de l'Irlande n'étaient pas en grande faveur. Une longue baguette de noisetier fut bientôt dans les mains du nouveau venu, et avant la fin de la journée, le manchot Peter était universellement reconnu pour le meilleur batteur et le drôle le plus amusant qu'aucun des chasseurs n'eût jamais connu. D'après son histoire, il jouissait d'une pension de retraite et s'en allait rendre visite à un parent qu'il espérait trouver bien établi dans une autre ville à 100 miles au nord de Middleborough. Un verre de grog achevant de délier sa langue, il raconta avec beaucoup de verve et de tact quelques-unes de ses aventures. À dater de ce jour, Peter devient le factotum de la ville et chacun de s'étonner qu'on eût pu se passer si longtemps d'un personnage si indispensable. Il portait les lettres, il nettoyait les fusils et fabriquait des mouches pour la pêche, il guérissait les chiens malades, il portait dans une singulière enveloppe de son invention les messages des femmes au mari qui s'attardaient au dîner du club. Il suppléait au besoin l'aide du docteur et portait les assignations du procureur. En un mot, Peter était toujours à la disposition de tout le monde, avec son visage sérieux et ses réparties comiques. Jamais il ne semblait fatigué. Rarement il avait l'air pressé. Il allait et venait dans toutes les maisons comme un chat familier, et il faisait d'opulentes affaires, comme tous les gens qui savent se rendre indispensables pour la solution de 1000 petites difficultés que chaque jour amène. En très peu de temps, Peter sortit ainsi comme un véritable papillon de son cocon ou de sa chrysalide. La jaquette de chasse déguenillée fut mise à la réserve et remplacée par un habit vert d'ample dimension, garni d'une infinité de poches et assez pimpant pour être porté par le premier garde-chasse de Milord Browse. Son gilet ouvert laissait voir un linge d'une blancheur irréprochable. De la tête aux pieds, il était un exemple de ce que l'on gagnait à être en crédit près des principaux marchands, et cependant il ne s'était pas donné de maître. Il commença même à ne plus se charger de certaines simples commissions, excepté pour les gens de qualité. Un état-major de jeunes garçons manœuvrait sous ses ordres, et lorsqu'il accompagnait une partie de chasse, pourvu lui-même d'un excellent fusil que lui prêtait un aubergiste chasseur, il avait tout l'air d'être là pour sa santé, pour prendre l'exercice et se livrer au plaisir du sport. Rien ne rappelait en lui le pauvre diable dépenaillé et mourant de faim qui s'estimait trop heureux de coucher dans une grange et d'accepter une assiettée de débris de viande. La faveur dont jouissait Peter n'était pas limitée à nos amateurs de sport. Il semblait également dans la confiance de personnes qui n'avaient jamais manié un fusil ni jeté une mouche à une truite. S'il commença par les petits marchands, bientôt il devint indispensable aux boutiquiers les plus huppés. Monsieur Tamil, ce marchand de nouveautés de la place du marché, Monsieur Tamil, qui portait toujours une cravate blanche et des escarpins, se promena un soir dans son jardin pendant plus d'une heure avec Peter. Miss Spark le regardait par un trou de la porte. Elle ne le perdit pas un seul instant de vue et elle déclara, qui voulait l'entendre, que Peter avait donné une petite tape sur l'épaule de Tammy en la quittant, à Tammy, élue marguillier pour l'année courante. Cette histoire trouva d'abord des incrédules, mais on ne put s'empêcher de remarquer que les progrès de la toilette de Peter, en fait de linge, dataient de cette promenade. Peu de temps après, Kinin, notre principal pharmacien et droguiste, grand orateur dans les meetings de la paroisse et première autorité scientifique de l'endroit, fut observé à son tour. Son garçon de pharmacie le vit étudier la géographie avec une vaste carte sous les yeux. Peter était souvent avec lui et le crochet de fer voyageait rapidement sur la carte. À dater de ce moment, la ville entière sembla saisie d'une véritable rage, celle de rafraîchir ses études géographiques. L'Espagne et le Portugal étaient les localités spécialement en faveur. Tout le monde demandait au cabinet de lecture des livres sur la guerre de la péninsule, et le libraire de la place du marché reçut en une seule semaine l'ordre de faire venir plus de 3 dictionnaires portugais. Quant à Peter, il devint le lion de l'endroit. Il déjeunait avec Smoker, l'aubergiste, amateur de chasse, dînait avec Tilt, le cordonnier, prenait le thé avec Jolly, le boucher, soupait avec Kinin, le droguiste, et se livrait à de longues causeries avec le barbier et avec M. Closelef lui-même. On le priait de raconter l'histoire de ses campagnes, tâche dont il s'acquittait avec une grande onction. Chose assez étrange, les gens ne semblaient jamais se fatiguer d'entendre les marches et les contre-marches de Peter, les batailles livrées par Peter et comment Peter avait perdu sa main. Seulement les curieux faisaient remarquer qu'à la fin de ces récits, Peter était toujours conduit avec mystère dans quelque arrière-salle ou dans le jardin, et que là, il chuchotait une heure ou deux avec le maître de la maison en fumant une pipe et en buvant quelques verres de grog. Jamais on n'avait vu Peter s'en trouver plus mal, ni s'en tenir moins d'aplomb. Il semblait au contraire s'imprégner de silence en sablant les liqueurs fortes. Cependant, malgré les plus rigoureux efforts pour garder le mystère, on ne put l'empêcher de s'ébruiter. Et on commençait à se dire à l'oreille que Peter possédait un inappréciable secret concernant un trésor enterré durant les guerres. Les personnes qui n'étaient pas encore dans sa confidence affectaient un doute railleur, mais le nombre des amis de Peter croissait tous les jours. Pour ma part, je n'étais pas encore arrivé à l'âge où l'on court après l'argent. Mon cœur appartenait tout entier aux chevaux, aux chiens, aux gilets brodés, aux toilettes de fantaisie, tout cela mêlé à des songes de Gulnares, de Médoras et de la jolie Anne Blondie, la fille du recteur. Un trésor caché m'eût fait bien moins désirer le patronage de Peter que son habileté à fabriquer une mouche de mai. Et ce fut en effet à ma passion pour la pêche que je dus d'être à mon tour initié au grand secret qui depuis longtemps déjà courait les principales rues de la ville. Par une belle soirée d'été, j'avais épuisé en pure perte toute ma science pour capturer une grande truite de 4 livres au moins qui s'amusait à monter et à descendre nonchalamment à l'extrémité d'un étang profond sous les racines d'un saule noueux à demi déterré. Lorsque Peter, se glissant sans bruit avec ses grandes enjambées à travers la prairie, fit soudain son apparition derrière mon coude. « Voulez-vous me laisser essayer, Master Charles, si je serai plus heureux que vous avec cette grosse friponne ?» Je ne demandais pas mieux. Peter jeta, ou plutôt laissa tomber la mouche, une mouche de son invention, aussi légère que le duvet du chardon, juste derrière la grosse truite, qui la goba en un clin d'œil. Ce ne fut qu'un bond et un plongeon, mais 10 minutes après, captive sous mon filet de débarquement, elle exhalait sa vie en palpitant dans l'herbe. Il faut toujours jeter la mouche derrière ces grosses truites, Master Charles, si vous voulez qu'elle morde. Jamais elle ne se donne la peine de regarder une mouche placée devant leur museau. C'est comme les gens riches, ajouta Peter avec un gros éclat de rire. La capture de la truite devint l'occasion d'une causerie sur l'herbe et petit à petit, nous arrivâmes aux campagnes de Peter en Espagne et au Portugal. Je ne saurais rendre la flatterie onctueuse du personnage, la sympathie qu'il exprimait pour un véritable gentleman et un véritable amateur de sport comme moi, ne ressemblant en rien à ces mendiants de colporteurs et de boutiquiers. Il me fit aisément comprendre que j'étais homme à dépenser de l'argent dans le grand style, si j'avais cet argent. Et après m'avoir donné à entendre qu'une belle jeune dame du voisinage avait confié à Peter, tout le monde faisait des confidences à Peter, sa préférence pour Master Charles, il me confia, non sans beaucoup de circonlocutions artificieuses, l'histoire suivante, clé de la faveur qu'il avait acquise dans les rangs de l'honnête population de Middleborough. Durant la retraite sur Torres Vedras, on lui avait confié, ainsi qu'à deux de ses camarades, un fourgon chargé de caisses pleines de doublons d'or. Mais à la suite d'une vive escarmouche, ils avaient dû se replier sur un couvent dans le puits profond duquel il avait fallu jeter pour le soustraire à l'ennemi le chargement du fourgon, sauf une seule caisse. Le même jour, tous les compagnons de Peter avaient été tués. Peter lui-même blessé et porté à l'hôpital. En cet endroit de son histoire, il me montra une terrible cicatrice dans son côté. Le contenu de la dernière caisse avait été en partie divisé entre eux, en partie enterré. Après sa lente guérison, Peter était allé rejoindre son régiment, alors en marche sur les Pyrénées. C'est à Toulouse qu'il avait perdu sa main. À son arrivée en Angleterre, on lui avait donné son congé et une pension. Ici, il produisit ses papiers. Après bien des épreuves, il était enfin parvenu à retourner en Portugal, où il avait trouvé le couvent déserté et le puits à demi comblé de décombres. Il avait découvert aussi les quelques rouleaux de doublons enterrés, mais il s'était bien convaincu que, sans l'influence et le concours de quelques véritables gentlemen, il ne parviendrait jamais à sortir le trésor du puits et du pays. Arrivé à ce dernier chapitre de l'histoire, Peter tira d'une des profondeurs de ses vêtements un véritable doublon d'or enveloppé dans une infinité de chiffons. Comment ne pas ajouter foi à une histoire aussi circonstanciée avec de pareilles pièces à l'appui? Il poursuivit en me disant que l'aubergiste, le droguiste, le cordonnier, l'armurier et beaucoup d'autres notables habitants était désireux de s'associer avec lui et de partir pour le Portugal. Samy le marguillier ne se montrait pas moins disposé à mettre une somme ronde dans une aussi bonne spéculation. Mais lui, Peter, préférait avoir affaire à un jeune gentleman, intelligent et entreprenant, et si je pouvais décider Ma riche tante a avancé l'argent nécessaire au voyage, une bagatelle de 200 livres sterling. Il était prêt à renoncer aux plus belles offres de Tammy, de Kinnin, de Tills, de Smoker et de tout le monde, enfin pour partir avec moi, tout seul, et dévaliser cette nouvelle caverne d'Aladin. Tous les plans étaient faits d'avance. Nous devions louer un vignoble dépendant des anciens domaines du couvent, et après avoir retiré le trésor du puits, le bien empaqueté dans des barriques de vin de Porto à double fond, et revenir en Angleterre partager le butin. J'épouserais alors une belle lady, j'entretiendrais une meute et je serais à la tête des gentilshommes du comté. Quant à Peter, il était plus modeste, il se contenterait d'avoir un cheval, un couple de chiens d'arrêt et de mener la vie d'un squire et de campagne. Le roman n'était pas mal agencé, et Peter le racontait de la manière la plus insinuante. Mais j'étais trop gai et trop plein de petits projets à moi pour mordre à l'hameçon. Il était fort douteux d'ailleurs que ma tante Rebecca consentît à me donner 200 livres sterling pour suivre en Portugal un Irlandais venu d'on ne sait d'où. L'idée d'abandonner Anne Blondie, ma favorite, aux soins exclusifs de mon rival, le jeune vicaire anglican, ne pouvait non plus me sourire. En conséquence, après avoir donné ma parole d'honneur de ne parler à homme qui vive d'un secret si important, je me séparai de lui à la taverne du pêcheur, où je lui payais quelques verres de grog et où je lui donnais pour le récompenser d'avoir contribué à la prise de la truite, l'unique demi-souverain dont j'aurais sans doute à disposer pendant toute la semaine. Dans le cours du mois, Peter disparut. On observa que tous ceux qu'il avait pris sous leur patronage, Smoker et Till, Jolly, Kinnin et Tammy, semblaient particulièrement charmés et prenaient un air mystérieux quand ils entendaient le reste du public s'étonner de ces disparitions sans tambour ni trompette. Une semaine environ après le départ de Peter, Mrs. Jolly s'en vint trouver Mrs. Smoker pour lui demander si elle avait entendu parler de son mari. Mrs. Smoker n'avait aucune nouvelle à donner, mais elle demanda à son tour à Mrs. Jolly si elle savait ce que pouvait être devenue cette brute de Smoker. Les deux femmes vérifièrent alors leur situation financière. Les deux maris avaient fait des ventes à leur insu et levé de l'argent. Smoker avait mis en loterie sa jument favorite, Slapbang, et Jolly, non content d'encaisser les plus grosses factures de la Saint-Jean, avait encore enlevé le pot d'argent du grand-père de Mrs. Jolly. Tous les deux avaient emporté leurs habits des dimanches, leurs selles et leurs pistolets. Ce fut un terrible scandale et un cri de haro général que ne purent apaiser les lettres écrites par les deux maris disparus. L'une était datée de Londres, l'autre de Liverpool. Tous les deux disaient qu'ils avaient trouvé un moyen unique de faire fortune sans courir de risques et qu'ils seraient de retour dans 3 mois. Les soupçons s'étaient un instant portés sur Peter. Mais, chose singulière, tous les deux demandaient précisément de ses nouvelles et priaient l'un qu'on ne lui fît pas payer son verre d'aile quand il viendrait trinquer avec les buveurs, l'autre qu'on donnât d'un morceau de bœuf ou de mouton à son chien toutes les fois que cela lui serait agréable. Au milieu du tollé général, Peter descendit un beau matin de l'impérial de la diligence de la ville voisine de Middleborough et se glissa à l'improviste dans le cercle des commères de la taverne du cheval et du jockey. Oh, son histoire était courte cette fois et positive. Il ne s'était absenté que pour aller toucher sa pension. Il avait aperçu au théâtre royal de Covent Garden, Jolly dans un état complet d'ivresse, mais il s'était abstenu de lui parler. Moins d'une heure après son arrivée, Peter était enfermé avec Kinnin dans le laboratoire du pharmacien et il passa la soirée entière avec Tammy, le marguillier. La semaine ensuite, on annonça que M. Kinnin vendait sa pharmacie et quittait la ville pour n'y plus revenir. Les uns disaient qu'il allait étudier pour se faire recevoir médecin, d'autres qu'il avait fait un héritage, d'autres enfin qu'il était ruiné. Le fait est qu'il partit et qu'on ne le revit plus à Middleborough. La dernière fois que j'entendis parler de lui, il faisait un cours public sur l'électrobiologie ou sur toute autre chose, entrée 2 pence par personne. Par une coïncidence assez bizarre, dans la même semaine où Kinnin céda la place à son successeur Brewster, qui tient encore sa pharmacie, Tammy, le marguillier, partit pour Manchester sous prétexte d'acheter les marchandises, mais ce n'était pas l'époque de ses chassas annuels. Il laissa la direction du magasin au jeune Blinks, qui devait plus tard épouser Mrs. Tammy. M. Tammy fut absent 6 mois. Durant ce temps, la pauvre Mrs. Tammy disait à qui voulait l'entendre qu'elle en avait perdu la tête. Et quand il revint, il était aussi maigre qu'une belette, aussi chauve qu'un vautour et aussi jaune qu'une guinée. Ainsi le déclarait Miss Park. Mais très peu de gens le virent car il se mit au lit et mourut, ne parlant dans son délire que de fourgons, de trésors, de doublons d'Espagne et du traître Peter. Le jour de son enterrement, tout fut connu. Tammy était allé en Portugal avec Peter, qui, après l'avoir conduit au milieu du pays, l'avait dénoncé à la police comme un espion hérétique et était décampé avec les mules de bagages et tout l'argent destiné à l'achat de la vigne, des barriques à double fond des voitures et de tous les compléments de l'entreprise. Le pauvre Tammy, après sa mise en liberté, s'était vu forcé de regagner Oporto à pied et presque en mendiant. Arrivé dans cette ville, la première personne dont il avait fait rencontre au bureau de la police était son compatriote Kinnin, en train de demander des renseignements sur ce coquin de Peter, qui, après une bombance à Londres, avait disparu avec ses malles et ses billets de banque, produit de la vente de son fonds de commerce pour rejoindre Tammy en Portugal. Quand la pauvre Mrs. Tammy raconta cette triste histoire au déjeuner des funérailles, la bombe éclata. Peter avait pris pour dupe la ville tout entière. Chacun, depuis le savetier jusqu'au recteur, avait placé des fonds sur le trésor portugais caché dans un puits. Smoker tomba en faillite. Jolly fut forcé de congédier son garçon boucher et de tuer ses bêtes lui-même. Tout le monde avait payé plus ou moins cher le plaisir d'écouter les histoires de Peter. Il avait escamoté les épargnes enfouies dans les bas des vieilles femmes, l'argent économisé par les jeunes servantes pour s'acheter des rubans. Il avait reçu 50 livres sterling et plusieurs traités bibliques du recteur, et 2 fois autant plus un fusil tout neuf de M. Klosdeff, mon patron. Le banquier lui avait donné 100 livres sterling dans ses propres bons d'une livre chaque. Enfin, le maître d'école du village voisin lui avait prêté ses seuls et uniques 5 livres. Somme toute, Peter avait trouvé dans notre ville une véritable banque de crédulité et il l'avait mise à sec. Cependant, Peter n'avait commis aucun délit, tombant sous le coup de la loi anglaise. Il s'était borné à dire des mensonges et à emprunter de l'argent. J'avais continué d'entendre parler de lui de temps en temps, et toujours comme d'un homme à qui tout réussissait, lorsqu'il y a quelques années, il fit la bévue de conduire à Oporto un Américain avide de trésors, mais difficile à jouer, dont il avait fait rencontre dans un wagon de chemin de fer. En cette occasion, l'Américain revint, et ce fut Peter qui ne revint pas. Quand on demanda à l'Américain des nouvelles de son compagnon de voyage, il répondit avec plus grand sang-froid qu'ayant eu des difficultés avec Peter, il avait dû lui brûler la cervelle.